À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, le journal égyptien Al-Ahbaro Al-Masai du 26 juillet a exalté sous le titre « Grande victoire du peuple coréen » les exploits du président Kim Il-sung accomplis dans la dernière guerre de Corée contre les agresseurs impérialistes américains.